Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, c'est Steve Lévesque et Karine Hudon pour Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, toi, Steve? Malgré les événements de la fin de semaine. Ah oh oui, ça va mieux, ça va mieux. On va y aller tout de suite avec probablement un des albums qui était le plus attendu cette semaine. C'est celui de Daft Punk avec Random Access Memories. J'ai été un peu déçu de cet album-là, même si l'album reste quand même bon, parce qu'on a... C'est tellement longtemps qu'il n'a pas fait quelque chose de nouveau, en plus. Non, c'est ça, puis avec Get Lucky, qui était quand même assez rythmé comme chanson, tu sais. Oui, bon, pour cet album-là, ils sont allés chercher un peu plus électronique, là, tu sais, fin 70-80, là, vraiment chercher une sonorité comme ça, mais... Presque tout l'album est beaucoup plus mollo que Get Lucky. Okay. Donc, sur ce point de vue-là, j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à un album qui allait peut-être être plus funky, plus rythmé, que ben, ou du moins similaire à Get Lucky. Donc, j'ai été un peu déçu, mais l'album reste quand même assez bon. Là. Ouais, c'est ça. Pour les amateurs de Daft Punk, c'est sûr que ça fait un peu différent de ce qu'ils font d'habitude, mais c'est quelque chose qui est quand même assez bien. Là. Je vais vous faire écouter quelques extraits, puis à vous de juger si vous êtes funky ou non. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Le groupe rock alternatif 30 Seconds to Mars sort leur quatrième album qui s'intitule Love, Lust, Fate and Dream. L'album a été composé par Jared Leto, le chanteur et guitariste du groupe. Leur carrière débuta en 1998 à Los Angeles. En 2002, leur premier album éponyme a connu un succès limité. C'est vendu quand même à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Quand même. C'est quand même très bon. Ils sortent en 2005 le deuxième album, A Beautiful Lie. Le groupe décide d'élargir leur public de façon assez significative, ce qui fait en sorte que l'album a quand même connu de très bonnes recettes, soit 4 millions d'albums vendus Et Beautiful Lie est classé disque platine par la Recording Industry Association of America. Le troisième album, This Is War, sort en 2009. Ils deviennent disque platine dans de nombreux pays et remportent différents prix. En 2011, le groupe entre dans le livre des records Guinness pour avoir fait le plus de shows dans une même année pour le même spectacle, mettons. Okay. Pour avoir fait... pour avoir écouté pas mal tous les albums de 30 Seconds to Mars, l'album est quand même un peu plus soft de ce qu'on est habitué d'entendre d'eux, mettons. Mais l'album, en majorité, je vous dirais que c'est un excellent album. C'est un bon groupe à découvrir pour les amateurs de My Chemical Romance, Linkin Park, Placebo, Three Days Grace. Ils devraient apprécier l'album. Voici quelques extraits. White, a victory dance, a burn and a riot. Aussi l'ex-coloc Mon oncle Serge qui sortait un autre album qui est Pourquoi Mon oncle Serge joue-tu du rock'n'roll? C'est quelque chose qui sera pour les auditeurs qui sera pas dépaysant. On reconnaît vraiment la plume de Mon oncle Serge avec ses textes sociaux et politiques et sa façon de chanter unique. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est un album qui est très plaisant à écouter, comme à peu près tous les albums. Ben, du moins, en tout cas, pour ceux qui aiment Mon oncle Serge, là, mais c'est comme je dis, c'est ça. Il y a un style unique, donc on aime ou on n'aime pas, mais pour ceux qui aiment... L'album qui rock. Oui, ça vaut vraiment la peine. Puis, je vais vous faire écouter quelques extraits. Je vais pas mettre mon grain de sel dans soupe. Elle a mauvais goût, quoi qu'on y ajoute. Oh non, je ne voterai pas. Mesdames les suffragettes, je vous aime bien, mais je vais pas vous accompagner au bureau de scrutin. Non, je ne voterai pas. Je ne voterai pas. Je prends le maquis. Je suis le déserteur de la démocratie. Je fais défection, je me défile. Je n'irai pas faire la file. siffle le ref. Les joueurs s'alignent, s'alignent bleu. V'là un gros toxon avec un côte à queue. Ils chantent là au Canada, j'ai larmes aux yeux. Mais déjà, c'est l'heure de la mise au jeu. L'arbitre sponge entre les joueurs de centre. La Molson coule, les hot dogs se vendent. La tension monte, la foule scande. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. 2, 1, 2, 3, 4. Avec son haleine dégoûtante de bière et de tabac, ses dents noires, ses dreads et ses bottes de combat, son vieux coat d'armée, ses badges de piru, il se colle sous moi comme une hostie de sangsue. Le punk caché français me tête dégorgée de bière. Il trouve que mes cossins, je les vends même trop cher. Il me dit: hey mec, file-moi un t-shirt. Allez, t'es pas là pour le fric, t'es pas un enculé. L'humour chien, c'est le gloussement vache que la joke chienne arrache à force de chiennerie. C'est l'ultime finesse de la phrase qui blesse tout en amusant la galerie. C'est la parole assassine qui fait frissonner les chines de mépris et de joie. C'est le bonheur incivique que l'humiliation publique d'autrui suscite en soi. L'humour chien, c'est la plus pure expression de l'intime exécration que les autres nous inspirent. Puis c'est cela. S'il y avait moins de groupies, il y aurait moins de musique. Les magasins vendraient bien moins de guitares électriques. Ça va être qu'il y en a un tapon au top, ça nous craint pour monter à côte. S'il y en avait un appel dans l'espace plein d'étoiles, il y aurait plus de cosmonautes. Moi je n'ai pas de mépris pour la groupie, c'est de l'amour pour moi et puis pour mes amis. Dans la noirceur du bar, quand tu chantes des chansons, ses yeux. Le gagnant de Star Academy 2012, Jean-Marc Couture, sort son premier album studio qui s'intitule « Si tel est ton désir ». Le premier extrait qui a sillonné nos radios depuis quelques semaines, est du même titre que « Si tel est ton désir » et a déjà raflé quand même beaucoup de... Les gens ont beaucoup apprécié la chanson parce que depuis ce temps-là, on nous demande quand est-ce que l'album sort. Et c'est aujourd'hui! Il y a plusieurs artistes qui ont coopéré sur cet album, soit Daniel Bélanger, Marc Dupré, Fred Saint-Gelais, Michel Pagliaro, Stéphane Archambault, mes aïeux. Très bien entouré. Ouais, Cœur de Pirate, Éric Lapointe, et j'en passe. Un excellent premier album pour Jean-Marc, pour de ce que moi j'ai écouté, j'ai bien apprécié. Il nous fait découvrir différents styles musicaux qu'il maîtrise à la perfection. Sur cet album, on retrouve aussi un duo avec Andréanne Leclerc, qui elle aussi a participé à Star Academy de la même année. Et si je ne me trompe pas, qui est sa conjointe. Oui, sa petite copine. Donc, voici quelques extraits qui sauront peut-être vous plaire. Si tel est ton désir, tu peux t'en aller. Si tel est ton désir, tu peux t'en aller. Si tel est ton désir, tu peux t'en aller. Mais moi, mon désir, c'est de te garder. Le ciel est bleu, comme je me sens vieux, à noircir mes nuits blanches. C'est mon cœur qui a perdu l'heure sous tes avalanches. J'ai sur mon lit étroit. Tu as besoin d'aveux, de serments, de promesses. Tu as besoin de mon temps que de caresses. Mais avouez que je ne rêve qu'à travers toi. Je sais pas. fous font leur sparage. J'ai les yeux fixés aux nuages. Me tourne autour les vautours. J'observe du haut de ma tour. L'air innocent, le regard absent. Pense pas au moins pour ça. Tu sais, moi, je suis ailleurs. Je suis pas perdu dans l'espace. Il y avait aussi le deuxième album de Airborne que j'attendais très, très impatiemment, qui est Black Dog Barking, qui lui aussi ne fera pas changement de ce qu'on a, on a connu de Airborne, qui font vraiment la musique du style des Airband des années... Ouais, c'est ça. Les fins 80, là, et, ouais, Whitesnake, Def Leppard, etc. Là, c'est vraiment... Là, c'est un groupe australien. Même si AC/DC n'est pas originaire d'Australie, ils ont vécu longtemps en Australie, donc il y a... La même sonorité. Ils ont la même sonorité, oui, beaucoup que AC/DC. D'ailleurs, dans le premier extrait que je vais vous faire écouter, c'est une des chansons qui me fait penser à une chanson d'AC/DC qui est Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution, qui, je vous dirais probablement, en tout cas, moi, à mon avis, c'est peut-être limite du plagiat, là, mais ça ressemble vraiment beaucoup, donc... J'ai vraiment apprécié écouter cet album-là autant que j'ai eu à découvrir lors du premier album. Tournée nord-américaine, éventuellement Montréal, Québec. On surveille ça et fort possible que je vais y aller. Ah oui? Ah oui! Donc, on vous fait écouter quelques extraits. CD, dans le pop rock, il y avait Cat Empire qui sortait l'album Still the Light et le groupe Deadmau5 qui sortait l'album At Play in the USA Volume 1. Côté jazz, il y a Jamie Coulomb qui sortait un album qui s'appelle Momentum. Côté francophone, il y a l'artiste Maud avec l'album Temps Inventé. Côté hip-hop, Sozzy avec l'album Rose et Sombrero. côté métal, le groupe Accept, Ball to the Wall. Du côté soundtrack ou trame sonore, il y avait NCIS avec l'album Los Angeles, là. Les chansons qui jouent dans la télésérie. Ouais. Et Pitch Perfect, soit la version française du film Note Parfaite, qui ressortait un autre album avec différentes chansons reprises qui a joué dans le film, mais qui, étant donné qu'il y a eu un gros succès, ben, ils ont eu une autre demande. Profite de la vague. Puis, et voilà, exactement. Du côté des sorties Blu-ray DVD, on avait le film Parker, qui met en vedette Jason Statham et Jennifer Lopez dans les rôles principaux. Dans les rôles secondaires, on avait aussi Nick Nolte, qui est quand même un vieux de la vieille. Il y a un petit rôle, mais quand même assez important dans le film. Le film, ça raconte l'histoire de... C'est des voleurs qui font des vols de banque, des vols de... Dans ce cas-là du film, c'est un vol dans un parc d'amusement. Puis, ils font ça pour le compte de la mafia. Puis, ce qui arrive, c'est que Parker se fait entourlouper par ses collègues qui, au départ, trustaient pas parce que d'habitude, il roule pas mal en solo. Puis là, il s'est comme plus ou moins fait imposer quatre autres personnes. Se retrouver avec des copains. Ouais, c'est ça. Puis, et c'est ça, il se fait voler sa part du butin qu'en fait, qu'ils ont volé au parc d'amusement. Puis, il décide de se revenger. Donc, puis eux, ben, préparaient. En fait, c'est qu'eux avaient besoin de la part de Parker pour faire un autre coup qui allait être encore plus payant. Puis Parker, lui, dit non, moi je fais un coup, puis on sépare, puis après ça, on passe à d'autres choses. C'est ça. Ils n'ont pas aimé ça, donc ils l'ont laissé pour mort sur le bord du chemin. Puis finalement, il était pas mort. Malheureusement pour eux autres. Malheureusement pour eux autres. Donc, il part à la recherche de... Ben, pas à la recherche où il sait... Il va chercher les indices pour savoir où est-ce qu'ils sont puis où est-ce qu'il va être leur prochain coup. Il se fait aider justement de Jennifer Lopez là, dans le film, qui est une agente immobilière qui connaît un peu le terrain, où est-ce qu'eux ont loué une maison, etc. C'est un film qui a quand même beaucoup d'action. L'histoire d'amour, très, très, très léger, mais c'est pas ça n'a pas de dominance dans le film. Sinon, ben, c'est l'action, je dirais pas du début à la fin, mais facilement la moitié du film. Ah, c'est quand même bon. Oui, puis c'était un excellent film de j'oserais pas dire policier, étant donné qu'il y a comme, la police est pas vraiment mêlée à ça, c'est plus, plus dans le style de Ocean Eleven, puis Ocean 12, puis, okay. Mais peut-être un petit peu plus action que ceux-là, mais c'est un excellent film, c'est à conseiller dans votre bibliothèque. Dans les nouveautés DVD, il y avait aussi Last Stand, un film d'action avec Arnold Schwarzenegger. Il y avait aussi la télésérie Teen Wolf saison 2 qui sortait. La télésérie True Blood saison 5. Oui. Quelque chose de très attendu. Mm-hmm. Deux films d'animation aussi qui avaient... Lego Batman, le film, et le légendaire Mickey Crystal avec le légendaire Mickey Mouse. Du côté des jeux, on avait Xbox qui tenait sa conférence de presse aujourd'hui, qui était mardi le 21, pour présenter leur nouvelle console qui va sortir courant de l'année. On n'a pas de date précise, mais on sait qu'elle va sortir au courant de l'année. Possiblement un brin avant Noël. Ouais, souvent, c'est ça, oui. Mais surtout qu'ils ont annoncé que ça allait être cette année, fait que c'est probablement avant les fêtes, là, fin novembre, là, mi-novembre, fin novembre, ça devrait être. C'est déjà très intéressant. Ouais, c'est ça. C'est une console qui promet beaucoup. Elle a est beaucoup axée sur le nuage. La Xbox Live va être beaucoup axée sur le nuage. Elle va avoir un disque dur dedans. Elle va servir de d'enregistreur numérique personnel. On va pouvoir brancher directement notre enregistreur numérique, exemple notre Cablevision, notre Bell ou Star Choice, qui est directement dedans, puis elle va faire le lien entre la boîte de câble au distributeur, puis la télé, puis elle va servir d'enregistreur si jamais vous n'en avez pas sur votre boîte. Oui, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si c'est pas bloqué par les câbles au distributeur québécois, en tout cas on verra. Puis après ça, elle va avoir un lecteur Blu-ray, enfin. Oh! Faire compétition davantage à PlayStation? Effectivement. Sinon, on a appris peu sur la machine. La Kinect va avoir... La Kinect va être beaucoup plus grosse que ce qu'on a présentement. Je vous dirais peut-être... plus précise probablement oui, aussi. Oui. C'est deux fois plus large que celle-là. Elle va s'installer probablement. Je ne sais pas si avoir le pied pour s'installer en dessous de la télé, mais celle qu'on a vue, là, c'était clair que c'était vraiment pour le dessus de la télé. Sinon, beaucoup plus précise, elle va beaucoup plus de mouvement. On va pouvoir ouvrir la Xbox juste en lui parlant, même quand elle est fermée. Là, les contrôles vocaux vont fonctionner même quand elle est fermée. Donc, on suppose qu'elle va être semi-fermée. Et qu'il va peut-être prendre un peu d'énergie pareil, mais on va lui dire malheureusement en français, je sais pas, parce que là, la conférence est en anglais. Normalement, les contrôles vocaux devraient être disponibles en français aussi, qu'ils sont déjà. Donc, dans la conférence, c'était Xbox on, puis la console se rouvre. De passer d'une application à une autre avec le contrôle vocal se fait très facilement et très rapidement aussi. C'est une question de secondes qui passe de un à l'autre. Va avoir amélioré beaucoup. Je me garde quand même une petite réserve parce que quand il avait fait l'annonce de la première Kinect, ceux qui se souviennent, ceux qui avaient écouté, il avait parlé de Milo, qui était le petit enfant qui jouait avec Pierre, qui reconnaissait les dessins qu'on faisait. Ça, on ne l'a jamais vu encore. Oh, OK. Donc, est-ce que ce qu'ils nous ont montré, c'est vraiment ce que la machine va faire ou si elle va être encore... On va avoir un peu plus de blabla. Ça, ils vont enlever, puis... c'est ça, ils vont enlever au fur et à mesure. Parce qu'on va voir d'ici la fin de l'année. Là, mais, on se croise les doigts. La machine, en tout cas, ça promet. Puis ils vont faire encore d'autres annonces au E3, qui va être au mois de juin, qui est dans quelques semaines, qui va avoir un autre d'autres nouvelles à nous dire. On sait entre autres aussi qu'il va y avoir une quinzaine de jeux qui vont sortir la première année. Donc, déjà bon. Une quinzaine de jeux exclusifs à la Xbox, dont c'est 7 ou 8 qui vont être des nouvelles franchises. Donc, ils ne seront pas des 3, des 4, des 5 de d'autres qu'on connaît. Des tout nouveaux. Ça va être des tout nouveaux, jeux. Là. Puis, graphiquement, parce que si vous avez la chance d'aller voir la conférence, graphiquement, malheureusement, on n'a pas vu de gameplay de jeu. C'était vraiment juste des vidéos d'introduction comme on voit dans les jeux souvent là. Mais le côté graphisme là, ça va kicker des culs. Oh, on a hâte de voir ça. Sinon du côté dans les jeux qui sortaient cette semaine, on avait Fast and the Furious Showdown qui sortait pour Xbox, PS3, Wii U et 3DS, puis on avait aussi Resident Evil Revelation qui était très attendu, qui est aussi également pour Xbox, PS3, Wii U et 3DS. Donc, c'est tout pour cette semaine. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye, bonne soirée. Bye. Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.